Les mass-médias de divers pays ont rapporté les 28 et 29 août la déclaration du porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères contre l'hostilité des États-Unis et de leurs remorqués. Rappelons qu'ils ont publié au Conseil de sécurité de l'ONU un communiqué mettant en cause les mesures coréennes pour le renforcement de la dissuasion nucléaire autodéfensive, notamment le lancement d'essais de l'engin balistique du sous-marin stratégique en plongée. Ce sont les journaux, agences de presse, radio, télévision, ainsi que les journaux, agences de presse, revues et en pages d'Internet russes, indiens, iraniens, syriens, népalais, égyptiens, algériens, mauritaniens, polonais, brésiliens et japonais. Ils ont fait paraître le texte intégral ou le résumé de la déclaration du porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères sous divers titres comme « La Corée avertit qu'elle peut réduire les États-Unis en cendres ».